Depuis quelques jours, le condamné était frissonnant. Le lundi 6, on avait entendu ce dialogue entre lui et un visiteur. « Comment êtes-vous »« J'ai plus peur de la mort que jamais. »« Est-ce du supplice que vous avez peur ?»« Non, pas de cela. »« Mais quittez mes enfants. » Et il s'était mis à pleurer. Puis il avait ajouté « Pourquoi ne me laisse-t-on pas le temps de me repentir ?» La dernière nuit, il a lu plusieurs fois le psaume 51. Puis, après s'être étendu un moment sur son lit, il s'est jeté à genoux. Un assistant s'est approché et lui a dit « Sentez-vous que vous avez besoin de pardon ?» Il a répondu « Oui ». La même personne a repris « Pour qui priez-vous » Le condamné a dit « Pour mes enfants ». Puis il a relevé la tête et l'on a vu son visage inondé de larmes et il est resté à genoux. Entendant sonner 4 heures du matin, il s'est tourné et a dit au gardien « J'ai encore 4 heures, mais où ira ma misérable âme ?» Les apprêts ont commencé. On l'a rangé comme il fallait qu'il fût. Le bourreau de Guernesey pratique peu. Le condamné a dit tout bas au sous-shérif « Cet homme saura-t-il bien faire la chose ?»« Soyez tranquille, » a répondu le sous-shérif. Le procureur de la reine est entré. Le condamné lui a tendu la main. Le jour naissait. Il a regardé la fenêtre blanchissante du cachot et a murmuré « Mes enfants !» Il s'est mis à lire un livre intitulé « Croyez et vivez !» Dès le point du jour, une multitude immense fourmillait aux abords de la geôle.